Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. On va parler on a parlé beaucoup de Saint-Georges Vézina, on a parlé beaucoup de l'aspect des Saguenayens, de Chicoutimi, des Marquis de Jonquière, mais il y a plusieurs organismes. On a parlé aussi de la Légion régionale, Midget régionale, mais il y a plusieurs organismes qui vivent évidemment c'est des effets collatéraux de cette fermeture du Centre Georges Vézina. On va en parler avec David Simard, qui est du patinage artistique, le Club des Comètes de Chicoutimi. Salut David! Bonjour! David, effectivement, quelle histoire depuis vendredi passé. On a entendu parler beaucoup des Saguenayens, on a entendu parler un petit peu des Marquis, parce que les Marquis doivent cohabiter maintenant avec les Saguenayens. Mais oui. On n'a pas entendu parler beaucoup des autres. Les autres, c'est la Légion régionale, Midget régionale et le Club des Comètes. Comment ça s'est passé? Parce que moi, ce que j'ai eu à travers les branches, c'est que ça s'est fait directement pendant un exercice de... J'avais mes patineurs, eux, entraînent aussi des plus jeunes. Ils étaient en entraînement. Après ça, moi, j'étais en train de communiquer avec Marc-André Grenon, le responsable des glaces à Chicoutimi, par email, parce que moi, j'avais vu oui-dire dans l'annonce qui allait se passer dans l'après-midi. Okay. Il n'y avait rien qui était fait. Lui, il est à Salle Montréal, justement. Fait que lui, il était dépêché automatiquement au Centre Georges Vézina. Donc, il y a eu un ordre d'évacuation assez rapide. Donc, moi, j'étais obligé d'aller chercher même mon matériel. Donc, j'avais l'autorisation de passer chercher tout mon stock pour le soir parce qu'il ne savait pas quand est-ce qu'on avait rentré. Moi, j'ai pas une entrée indépendante comme un peu les Saguenayens. Okay. Ils ont encore accès à leur locaux, mais moi, il fallait que je passe dans le Centre Georges directement. Donc, fait que j'ai cherché mon équipement pour les alarmes, les machines, les choses comme ça. Fait que on est parti avec les équipements, les côtes, les patins, tout ça, les plannings, les ordis. Certains ordis on avait besoin pour au niveau administratif. Donc ça a été une évacuation de nos locaux. Après ça, là, on était dans le néant un petit peu. On savait juste qu'il était fermé. Quoique nous, c'est des choses que j'entends parler depuis 2013, en fait, là, qu'après. Ben oui, c'est sûr. C'est... Il y a des lésions dans le toit. Mais eux, c'est une nouvelle organisation, je peux comprendre. Puis, il y avait peut-être mandaté aussi une étude à travers ça. On a été toute la fin de semaine un peu pris de court. Donc, moi, j'ai relocalisé certains entraînements avec le club d'Alma qui nous ont trouvé des heures. Puis ça a été un plus pour nous. Donc, un coin central au niveau de la région pour tout le monde. Donc, on s'est ramassé à Alma. Alma, on a fait deux entraînements samedi et dimanche. C'était correct jusque-là, mais on n'avait pas encore de. On savait pas encore ce qu'on avait. Ben oui. Allez, en fait, parce que nous autres, on a 35 heures qui comblent. On a environ 35 heures sans Margagnon avec le Club des Comètes au total de nos heures qu'on a au Centre Georges directement. Okay. Donc, la ville, eux, il fallait qu'ils réalisent 35 heures de cours environ. On a réussi à récupérer environ autour de 20-25 heures avec l'UCAC, en fait. Puis. Exemple, le sport-études, on a relocalisé à la baie et les écoles de patin, des fois, c'est un petit peu plus tannant. Des fois, on se promène un petit peu. Il manque environ 7-8 heures présentement pour combler toutes nos heures. Ça va-t-il avoir des répercussions un peu partout sur... Parce qu'il vous reste combien de compétitions? Ce qui arrive, c'est que c'est comme... pour moi, premièrement, moi, ça affecte quand même un gros pourcentage parce que moi, il me restait environ 5 à 6 semaines au niveau de ma saison. Fait que c'est une période importante. Avant les gros championnats, en fait, là, il reste encore un peu plus de temps par la suite, mais c'est des championnats moindres. Mais avant mes gros championnats, pour mes patineurs qui font les sélections sur un senior, un junior à Calgary, excuse-moi. Donc, moi, ça les affecte beaucoup. Puis pour les autres aussi, qui avaient leurs championnats provinciaux, puis qui leur permettent de se classer pour les championnats canadiens de leur catégorie d'âge. Okay. Donc, qui est présentement à Lévis, ce championnat-là. Fait que pour nous, ça nous affecte quand même beaucoup. Parce que nous autres, on était comme à peaufiner leur vitesse, à travailler sur certains aspects qu'on avait à travailler à haute vitesse, des dépassements, des choses comme ça. C'était quelque chose qu'il fallait peaufiner un petit peu à cette période-là d'année. Qu'est-ce qui nous manquait? Donc, dans certaines compétitions, on avait comme établi un planning sur 8 semaines. On était rendu à la 3e semaine. On commençait à charger, à mettre de la charge de travail à nos patineurs. Donc, on a mis plus de volume d'entraînement. Puis là, j'arrive, il faut que je retourne en arrière un petit peu, il faut que je retourne dans l'aspect plus technique, parce que moi, l'aspect vitesse, c'est quand même important. C'est pas pour rien que les patineurs de Saint-Fé viennent, sinon s'il n'y avait pas besoin de venir, ils viendraient pas. Mais j'ai des patineurs du Haut-du-Lac qui viennent ici une à deux fois par semaine, trois fois certains. Ben oui. Donc, qui viennent ici juste pour faire de la vitesse. Fait que là, l'intérêt de faire de la vitesse, eux, ben ils restent dans leur coin, c'est pas pire, ils restent dans leurs heures d'entraînement, mais. Moi, faut que je trouve des plans B. Fait que là, je suis à Montréal au centre à Lucac. Au Lucac, moi, je peux pas faire certaines vitesses. Fait que j'ai été obligé de faire des demandes jusqu'à Québec présentement. Incroyable. En fin de semaine, j'ai une à deux entraînements dépendamment des patineurs si leur disponibilité avec leurs parents, qui vont monter avec le centre un peu, il y a un autre centre régional comme un peu mon centre ici dans la région de Québec. L'entraîneur qui est là-bas, c'est une coach hongroise, donc qui m'a invité sans problème, qui a nous accueilli. Donc, mais sauf que je peux pas arriver avec toute ma gang. Fait que j'arrive avec 5-6 patineurs qui vont aller à Calgary, en fait. Donc, on va se faire des entraînements avec les meilleurs là-bas. Donc là, tu dois prioriser. Au moins ça. C'est pour en fin de semaine, mais là, il me reste encore 3 semaines à combler. Faut que je regarde avec ça, parce qu'eux aussi, l'autre semaine, il y a des compétitions, ils savent pas trop si je peux y aller. Donc, c'est un peu tannant. Je peux pas faire le même nombre de vitesses. Là, ce que je peux juste faire, c'est du maintien de haute vitesse avec ce groupe-là. Puis encore là, je vais arriver là-bas, est-ce qu'ils vont faire la vitesse, est-ce qu'ils vont faire une autre chose? C'est un aspect que je peux pas contrôler aussi au niveau du planning qu'il y a. Quoi qu'elle va s'ajouter avec moi, là, j'ai demandé certaines choses, puis elle a dit qu'elle allait s'accommoder avec ça. Mais, tu sais, c'est quand même pas mon élément, c'est pas notre endroit d'entraînement. Faut se déplacer 2 heures, 3 heures pour certains. Plus t'en as un petit peu, pas tous les parents qui sont disponibles à la dernière minute, une semaine d'avis, on monte à Québec. Plus t'en as un peu, c'est des fois s'ils font les deux entraînements, il faut qu'ils prennent une chambre d'hôtel. Donc c'est des coûts pour tout le monde. C'est un peu plus tannant. Fait que c'est ça. Pour moi, je trouve ça, c'est pas la meilleure période environ pour que ça arrive, effectivement. Donc là, puis, en plus, j'imagine juste les autres organismes, parce que nous autres, en étant localisés à un autre endroit, puis en étant les sacs localisés à un autre endroit, c'est des heures qui sont coupées à certaines autres. Donc c'est un épais un peu domino, si on pourrait dire. Ben oui. Fait que, ça, je trouve que ça fait une belle entraînement pour dire est-ce qu'on fait une nouvelle glace ou on rénove. Moi, d'après moi, en tout cas, moi, j'ai mon avis là-dessus présentement. Puis bon, je pense qu'on se dirait, j'espère. Ben, parce que, tu sais, relocaliser les Saguenayens juste là-bas encore longtemps, les gars des Sacs sont tous déjà à Chicoutimi, ils ont des entraînements, patiner au pavillon d'agriculture, c'est pas nécessairement le meilleur élément pour. En tout cas, moi, ce que je juge au niveau de l'ambiance tout ça, malgré qu'il devrait avoir une glace nord-américaine, c'est super. Mais moins de monde aussi pour les spectateurs. En tout cas, moi, je vois plein de choses qui se passent. Puis passer un an sans avoir d'aréna, je trouverais ça plate un petit peu. Mais ça, ça va avoir un impact certainement sur les rendements des Maud Tremblay, des Catherine Mailloux, des... Oui, Maud, présentement, est en arrêt pour raisons personnelles. On a eu certaines choses avec elle. Puis c'est correct, mais tu sais, c'est Catherine Mailloux, ça dérangera pas, puis elle est à Montréal. C'est plus les Mina Tremblay, donc elle est à sa deuxième compétition au niveau national la semaine prochaine. Donc, Karina Momini qui fait les seniors lors de la prochaine compétition. Puis certains patineurs du Saguenay aussi, là, qui sont un peu lésés à ce niveau-là. Oui. Tu sais, les Léonie Bradette et Catherine Mailloux sont déjà avec Montréal, mais les autres qui veulent y aller, qui veulent pousser, ils ont besoin d'avoir quand même un... un petit nanan de plus qui est la vitesse, là, c'est ça. Fait que ça va les affecter sûrement, mais on va essayer d'au moins de minimiser les choses à ce moment-là. Fait que c'est sûr que moi, c'est ma job de contrôler cet élément-là. Pas facile, hein? C'est eux qui disent. Je peux pas paniquer et dire je peux rien faire. Comme disait Yannick Jean, il faut foncer, puis c'est ça. On y a une situation, puis faut y aller, puis garde, on y va à 100%. C'est un peu ma philosophie aussi en tant qu'entraîneur. Je suis pas pour m'abattre sur mon sort, faut trouver des solutions. C'est ce que je fais présentement. Ceux-là qui disent qu'il y a un complot pour avoir des subventions, c'est organisé, avec toute la merde que ça donne, là. Non, je pense pas que ce soit... Il y aurait eu d'autres moyens d'organiser un complot, je pense. Effectivement, je peux comprendre que c'est drôlement bien placé à ce moment-là, mais c'est une nouvelle organisation en place qui avait le Saguenay. Eux, ils ont vu qu'il y avait eu des problèmes dans le passé... Ils se sont dit, ben là, peut-être qu'il faudrait mandater une firme d'ingénierie, parce que ça faisait environ 2 ans. Une firme d'ingénierie passait environ aux années, aux 2 ans, au Centre Georges, pour vous essayer, c'était correct. Fait que peut-être bien que c'était dans le devis un peu des infrastructures à Saguenay de faire une autre évaluation. Eux, sont arrivés avec une conclusion, parce que c'était pas nécessairement la même compagnie avant. Effectivement, je pense qu'ils ont pas les plans ancestraux un peu de l'aréna qui a été bâti à base. Il y a différents matériaux, dont les métaux, le bois. Faut qu'ils évaluent la capacité de la structure. Voir si la fissure versus les autres rapports sont pareils. Je pense pas aussi que l'ancienne organisation de la ville nous aurait pas fait patiner, ça aurait été dangereux. Là, aussi, ben non, là. C'est sûr. Ils ont donné un mal, mais je pense qu'il y a une précaution à prendre. Dans cette précaution-là, ils ont peut-être vécu des situations qu'en s'apercevant, ben, se dire, ben là, on rénove tout, on fait ça, ben là, ça a peut-être poussé sur d'autres conclusions aussi. En se disant, ben là, ouais, c'est comme un élément important, là, s'il nous tombe sur la tête, puis on n'a rien d'autre, ça va pas bien. Fait qu'on est-tu capable de le maintenir? Fait que ça va enlever peut-être des questions à certains. Ça va peut-être amener d'autres. Fait que moi, je pense que ça peut être bien. Moi, j'aimerais ça rester quand même durant une. Moi, je prône pour une rénovation, un changement de San Jose, en fait, d'en faire un nouveau. Puis de soit de maintenir l'infrastructure ou de la débâtir, dépendamment ce qu'ils vont faire par la suite s'ils ils sont jugés aptes. Mais moi, je prône pour effectivement un nouveau complexe, soit deux glaces. Moi, je prône pour la bande rétractable parce que je connais d'autres régions qui l'ont, qui ont eu des problèmes. Moi, je pense pour un complexe de glace personnellement. C'est mon point de vue personnel. Okay. David, prochaine compétition qu'on peut se parler, c'est quand? Moi, je te dirais que c'est dans environ 3 semaines, on a une provinciale, 2-3 semaines, on a une provinciale qui est importante. Pour ça, c'est certains, dans la tête de la relâche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, ça me permet de savoir qui va au championnat québécois, qui va au championnat canadien par la suite avec les pointages. Parce que j'en ai qui sont en attente d'aller aussi au junior en passant par cette compétition-là, à cause de leur tact qu'ils ont fait, des bonnes performances. Et par la suite, on tombe dans un mois très important, le mois de mars. Là. Le mois de mars, ça déboule assez rapidement. Donc, j'ai une dernière élite qui est un peu ma dernière entraînement de compétition, dans le fond, si on pourrait dire, avant de viser sur les gros championnats de fin de saison. OK. Donc, David, on s'en parle, donc je comprends bien dans 3 semaines, c'est ça? Oui, environ. Ouais, je veux dire, il y a des compétitions à chaque fin de semaine, là, facilement à mois de mars. Fait que ouais. On voit ça par la régulièrement. OK, OK. Ben, on s'en parle la semaine prochaine. Ouais, c'est bien, oui. Donc, merci. David Simard, des Comets de Chicoutimi.